on va passer une bonne matinée ensemble. Et ça nous avait manqué, pas vrai? C'est ça, ça faisait longtemps qu'on n'était pas venu s'asseoir sur ces chaises de la radio. Ça faisait un mois bientôt. Hein. Bah oui, presque un mois, oui. Vous avez manqué ces studios. Oui, un petit peu. On adore venir vous voir, mais c'est vrai que c'est un peu notre lieu, notre radio. Le samedi matin, on passe un bon week-end, on vient ici. Voilà, exactement. Eh ben aujourd'hui, moi ce que je vous propose, c'est qu'on fasse le tour un peu du monde. On écoute des musiques du Brésil, du Portugal, de l'Espagne, de la France. On fait un peu le tour du monde, des pays latinos aussi. Et sans oublier l'horoscope d'avril. C'est ça, madame Philippa Irma Thierry Sicard. Elle va pouvoir vous faire ses petits choix. Quando passa na massa do tubo, o negão começa a gritar, pega ela aí,

Não posso passar a vida a ver as cores do amor. nouvelle musique des Anna Duarte. Elle est incroyable, hein, cette musique. Franchement, j'ai adoré. J'ai pas à bouger sur la chaise. Exactement. On va continuer du coup avec Madame Irma. Si Madame Irma veut bien nous faire l'horoscope. Et oui, du coup, on va commencer l'horoscope du mois d'avril. Voir vous, qu'est-ce qui vous attend pour ce mois-ci. Donc, on commence avec le Bélier. Avril te pousse à foncer, à prendre des initiatives avec une belle énergie pour avancer, même si tu dois apprendre à ralentir parfois. Et côté amour, la passion est bien là, mais demande un peu de patience. On sait, vous, les Béliers, vous n'êtes pas très patients. Mais bon, des fois, il faut prendre son mal en patience. Pas du tout. Taureau, ce mois t'apporte stabilité et réconfort. Tu avances doucement mais sûrement dans tes projets et en amour. Tu recherches surtout de la sincérité et des moments simples mais vrais. Gémeaux, avril est rythmé par les rencontres et les échanges. Tu bouges beaucoup et les opportunités arrivent. Mais attention à ne pas t'éparpiller. Et côté cœur, place au flirt et à la légèreté. Trop bien. Ils sont en pleine séduction. Ouais. Cancer, tu ressens les choses plus intensément ce mois-ci, avec besoin de te recentrer sur toi et sur l'essentiel. Et en amour, une relation peut évoluer vers quelque chose de plus profond. Les lions, ils sont plus dans le flirt, ils sont dans la... Ils sont déjà dans le flirt, ils veulent passer à la seconde. Ils veulent passer la seconde. Bon, les lions. Les lions, c'est nous. Alors c'est parti. Tu es au centre. Tu es au centre de l'attention en avril, super. Avec des opportunités qui se présentent et une belle confiance en toi. Et côté amour, ton charme fait des étincelles. Bon, ça va, on brille. Bah ouais, hein, on brille. Hein. Pour les vierges, ce mois te pousse à organiser, réfléchir et remettre dans l'ordre dans ta vie. Avec des décisions importantes à prendre. Et en amour, tu privilégies la stabilité et la sincérité. Balance, avril t'invite à retrouver ton équilibre malgré quelques hésitations. Mais tout s'apaise progressivement. Et côté cœur, de beaux moments de complicité sont à prévoir. Pour les sagittaires, tu as envie de bouger, de découvrir et de vivre de nouvelles expériences avec des opportunités inattendues. Et côté amour, une rencontre peut surprendre. Ouh. Eh bien, vous avez de la chance. Hein. Scorpion, un mois intense t'attend avec des transformations et des décisions importantes. Et en amour, la passion est forte mais demande à être maîtrisée. Ah oui, j'avais pas fait les oui. Scorpions. J'avais sauté. Les Capricornes, tu restes concentré sur tes objectifs avec des avancées concrètes. Mais tu dois prendre le temps de souffler. Et en amour, quelque chose de sérieux peut se construire. Verseau, avril t'apporte des idées nouvelles et des changements imprévus qui peuvent te bousculer. Et côté cœur, une surprise pourrait bien te faire sourire. Et enfin, pour les poissons, tu es particulièrement à l'écoute de tes émotions ce mois-ci, avec une forte intuition pour faire les bons choix. Et en amour, une connexion sincère pourrait naître ou se renforcer. Et bah dis donc, en fait, c'est le mois de l'amour, l'avril. Parce que, dis donc, il y a quand même pas mal de signes qui sont en flirt ou en couple. Mais justement, est-ce qu'on ne ferait pas le top signes qui sont probables. Signes, voilà, j'ai oublié comment ça s'appelle. Des signes qui sont plus probables d'avoir une très bonne relation. Conquérir. Oui, c'est les signes qui sont le plus probables pour se mettre en couple en avril. Et ben, on commence par la fin. Donc les béliers, malheureusement, vous êtes les 12e. Beaucoup de passion, mais ça peut aller trop vite pour durer. Eh oui, il faut savoir prendre le temps, les béliers. Oh, tu dis ça, mais nous, on n'est pas très loin. Hein. Ah oui, mais non. Bon, alors, mais toi, t'es déjà en couple. Oui, bon, ça ne change pas, mais pour toi. Alors, en 11e, on a les scorpions. Intense mais méfiant, difficile de sourire rapidement. Ah bah oui, ça c'est le problème des scorpions. Hein. Ça change pas dans l'année quoi finalement. Oui. Pour les 10, Capricorne, concentré sur ses objectifs, l'amour passe au second plan. Oui, bon, ça c'est le côté perso des Capricornes. Mais la Mirma, elle est forte. Hein. La 9e position, nous avons la Vierge. Prend son temps, analyse beaucoup avant de se lancer. Eh oui. La 8e position, ce sont les Verseaux, des opportunités, mais l'envie de liberté reste forte. En 7e position, on a les Lions, nous. Eh ben, alors, ça, regarde bien ce qu'il y a écrit. Beaucoup de séduction, mais pas forcément prêt à s'engager. Ça correspond bien, fille, pas finalement. Oui. Les 6, Sagittaire, une rencontre surprise pourrait tout changer. Là, on se rapproche dans le top. Ouais, là, on voit qu'on est dans le top, presque dans le top 5. Bah là, on est dans le top 5. Alors, c'est parti. Le top 5. Cancer. Une relation peut évoluer doucement vers quelque chose de concret. Pour les Gémeaux, beaucoup de rencontres et un flirt qui peut devenir sérieux. Donc, ils sont en quatrième position. Et là, on arrive dans le top 3. Le top 3. En top 3, en troisième position, on a le Taureau. Il a envie de stabilité, de grandes chances en fait, ils se mettent en couple ce mois-ci. En deuxième position, les Poissons. Très ouverts émotionnellement, ils attirent des relations sincères et profondes. Et les grands gagnants? Les grands gagnants, roulement de tambour. On a la Balance. Les Balances, pas la Balance. Oui. Parce qu'on va pas peser les jours. C'est vrai. le grand gagnant de l'amour. Tout est aligné pour une rencontre sérieuse ou un vrai coup de cœur. On compte sur vous, les Balances. C'est ça. Et ben, moi, ce que je propose, vu qu'on parle d'amour, est-ce que t'aurais pas une musique d'amour, par exemple? Une musique en tête. D'amour. C'est Amor del Fuego. J'ai celle-ci, mais bon. Alors moi, j'ai pas celle-ci. Fuego del Amor. Tu te laisses chercher. T'as pas une musique d'amour? Est-ce que vous avez une musique d'amour chez vous? Une musique d'amour? Portugais, français? Je vois dans vos regards. C'est pas. Je suis encore dans le concert. Non. Moi, c'est une musique portugaise. Et je fais cette dédicace à une chanteuse qui la chante. Que vous la connaissez, qui fait partie de Capa Negra. Non, c'est pas ça. Non, pas du tout. Qui fait partie de Capa Negra. Et en fait, elle chante cette musique. Et cette musique, je l'adore, je sais pas pourquoi. J'ai eu un coup de cœur quand je l'écoutais la première fois. Et c'est Amour de chocolat. Ah, peut-être oui. Parce que c'est Amour du chocolat, c'est pour ça aussi. Oui, parce qu'il adore le chocolat. De Tita. O meu corpo estremeceu, quase que fiquei sem ar. Algo em mim aconteceu. África, calor que zomba, como miúda fiquei. Eu já estou a ficar louca, acho que me apaixonei. Amor de chocolate, não é? Eu sinto aqui dentro. Dá-me um beijo, é. Contigo quero voar. est-ce qu'elle est pas mal la musique quand même? Bah oui, mais on l'avait déjà écoutée plein de fois. Oui, mais il fallait l'écouter encore aujourd'hui. Oui, c'est vrai. On parlait d'amour, mais il y a aussi de l'amour d'amitié. Oui. Et ben on va écouter une musique qui parle justement de ça. Preciso de te ver. Não há mais ninguém que consegue compreender aquilo que eu passei. Só tu consegues sentir o que eu sinto. Vão adorar. Ai, vai ser uma semana com Portugal a bailar.

moi. Je vois des choses dans tes yeux. Je t'offre des roses silencieuses. Sur de la prose ou ta peau, tu es la cause de mes maux. Tu es une femme de désamour. Tu es saudade, Senhor. Nenhum de nós quer perder. E ninguém quer ficar só. This man, this man, to me. I'll fight for me if this on me. Je sais comment la compris. Dis-moi, je l'ai mal de temps. Le verre, je le garde impatient. Je te veux du lundi au dimanche. Je suis d'humeur comme un enfant. Oh, mais moi. Je suis bien que je suis avec toi. Emmène-moi, il n'aurait pas d'avant des vaches. La honte arrive à te lever. Le quel chat au père de ti. Emmène-moi. L'Amazon, moi la faute. C'est le carton si je fraude. Que Dieu pardonne mes fautes. Je suis le cyclone, toi l'émeraude. J'ai la tête parfois à la verre. Des erreurs, oui, j'ai dû en faire. Je suis l'élève ambitieux. T'es trop mystérieuse. T'es ma flamme, mon César. Mais au amour, mi à part. T'es le premier. Lundi au dimanche, ça me lève à mon ennemi à mort. Emmène-moi, peu importe où on ira, Paris, Paris, au Lisboa. Je suis bien que je suis avec toi. Emmène-moi, il n'aurait pas d'avant des vaches, mais on a vite à te lever. Lequel chère au père de ti, emmène-moi. Quem me põe a suspirar? Quem

pois não há melhor que um carocha do amor. Fiquem a saber toda a gente o que toda mulher gosta. Para me agradar, e essa noite vai ser moqueca para o jantar. E agora estou sempre a pedir o mesmo prato: dá-me moqueca, dá-me moqueca. O sabor é bom que estou sempre a repetir, e todos os dias eu quero moqueca. Ai, dá-me moqueca, ai, dá-me moqueca, seja do frango, do camarão ou do peixinho. Du coup, on va continuer du coup, cette émission sur un thème un petit peu plus fun. Du coup, on va se poser des petites questions qui sont plutôt drôles à répondre. Et vous aussi, chers auditeurs, vous pouvez nous appeler pour du coup, répondre à ces questions. Du coup, je commencerai par te poser une petite question, Mathis, d'accord ? Je ne sais pas si je veux répondre. Si tu vas répondre. Vous savez, je suis persuasive hein, quand même. Oui, on va dire oui. Bien sûr que oui. Enfin bon. Elle me laisse. Elle. Les petites habitudes bizarres que tu as. Ah, faut que je réponde à ça ? Ouais. Alors, les habitudes qu'on peut avoir bizarres. C'est pas bizarre, mais une habitude que je fais toujours, c'est chanter sous la douche. Hein. Pas une journée où je chante pas sous la douche. Ouais, c'est vrai que ta mère, elle me disait ça. Oui, il a la musique à fond. Il est en train de chanter, là, depuis tout à l'heure, parce que je devais arriver chez lui, en fait. Et il m'a dit, quand enfin, j'étais sur la route, et il me restait 20 minutes hein, pour arriver chez lui. Et il me dit, oui, je vais à la douche, tu peux rentrer. 20 minutes, je suis là. Il a toujours pas fini, il est dans sa douche. Parce que je fais un concert, en fait, international. Si un jour vous voulez voir un concert, vous pouvez venir. Sous la douche de Matisse. Non, pas sous les douches, vous m'entendrez de long. D'accord. Bah moi, ma petite habitude bizarre, bah, je parle beaucoup toute seule, en fait. Ah oui, ça oui. Même dans son sommeil. Ça, je savais pas. Et vous, de votre côté, qu'est-ce que des petites habitudes inhabituelles que vous faites ou personnelles que vous faites qui peuvent être drôles, vous pouvez nous appeler du coup à ce numéro. On le donne après parce qu'après tous les petits. Oui. Les petits oui, jeux. Oui. Du coup, la pire excuse que t'as déjà donnée. La pire excuse que j'ai déjà donnée. Ouais. Bah. Pour pas aller à un endroit. J'ai radio le matin, faut que je me couche tôt, du coup je vais pas aller en soirée. D'accord. C'est faut pas aller à une soirée que j'ai pas envie d'aller, quoi. La radio est le meilleur excuse. Oh là là, n'importe quoi. Après, c'est vrai, il faut se lever tôt le matin pour la radio. Oui, mais bon, ça t'empêche pas. Hein. Si, ça m'empêche de pouvoir avoir une bonne nuit de sommeil. N'importe quoi, on est allé à un concert hier. T'es démasqué. Moi, ma pire excuse, bah, même parfois. Non, en vrai, là, ouais, des fois, parfois. C'est, enfin, non, c'était plutôt quand, avant, on va dire, quand j'avais 18, 19, donc l'année dernière. Maintenant, je peux plus trop la faire. Parce que je commence à être vieille. et bah, c'est. Ouais, ma mère, elle veut pas. J'ai demandé tellement de fois à ma mère de me dire non mais dis-moi non s'il te plaît, j'ai pas envie. Donc du coup ouais, je pense que c'est ça. Et vous de votre côté, quelle est la pire excuse que vous est-ce avez que c'est parce que vous avez radio, est-ce que est-ce que c'est votre mère qui vous l'interdit? Enfin bon, prochaine question. Si tu pouvais changer ta vie avec quelqu'un pendant 24 heures, ce serait qui? Ouf, tellement de gens. Il y aurait tellement de personnes. Déjà, je prendrais. Je sais pas du tout. Tu sais pas? Oui, je sais pas du tout. Peut-être Ronaldo parce qu'il y a de l'argent. Oh, mais non, attends, moi, si je devais choisir, je choisirais un gars. Pourquoi tu veux pas être dans un corps de femme? C'est sympa. Non, si je serais un homme, je serais Ronaldo. Oui. Et si je serais une femme, je serais Miss France. moi, ce serait. Je sais pas. Ou Shakira, voilà. Shakira, ou Shakira, oui. Moi, ce serait. Pour savoir bien chanter. En vrai, moi, j'aimerais trop être Matisse le temps d'un jour. Ah mon dieu! Je pense que je deviendrais folle, mais ce serait trop drôle. Je pense que je serais Matisse le temps d'un jour. Ça va me suffire, je serai trop traumatisée, mais bon. Ouais. Et une femme? Et une femme. Ta mère, comme ça. Tu verrais j'ai... comment tu serais chiant. Oh bah super, merci beaucoup. Eh bah non, en fait, je suis adorable. Non, en vrai, je pense que je serais. Je sais pas du tout. Je comprends. Non, mais en tout cas, je veux essayer d'être Matisse le temps de 24 heures. Mon dieu, la pauvre. Vraiment. Trop de choses à penser dans ma tête. Oh là là, je deviendrai folle. Et dernière question. Si ta vie était un film, quel serait le titre? Folie. Folie. Ou casquette. Casquette? Ah oui, pour aller double casquette. C'est ça. C'est vrai, c'est pas faux. Et toi? Moi, je dirais l'opportuniste. Ok, pas mal. Ça se rejoint un peu. Ça se rejoint un peu. Et vous, chez vous, si vous voulez répondre à une des quatre questions qu'on a posées, donc, vos habitudes spéciales, oui. Spéciales, on peut dire. Dans quel corps vous voudrez vous changer? Oui. Votre excuse pour ne pas faire quelque chose ou ne pas aller à un événement. Et enfin... votre titre de votre film de votre vie. Qui résume votre vie. Pour ça, il faut nous appeler au 02 38 43 48 00. Ou vous pouvez participer en nous envoyant un message sur nos réseaux sociaux, donc avec-vous-radio. Et oui, n'hésitez pas à répondre aux questions. Et on fera un petit sondage au pire sur les réseaux pour voir un peu. Oui. On va le faire là. Et on attend vos réponses.

bright. We're stirring up this summer night. Tan skin looks damn good and white. Stripping down by the Hollywood sign. And if we want it, we take it. If we need money, we make it. Nobody knows if we fake it. You like to watch when we shake it. I know we're making you thirsty. You want us all in the worst way. You don't understand, I feel you, man. Me and my girls, me and my girls, me and my, me and my, me and my, me and my girls, my girls, me and my girls. No more lies, no secrets. Me and my girls.

estás metida, ninguém sabe. Lembro os teus cabelos, cobriam teu corpo, tão cheia de amor. Te vi dançando, outro te abraçava, outro te beijava, mas era para mim, para quem olhava. Onde estão teus olhos tão profundos? O calor dos teus lábios que era o meu, e o vinho que bebo abre minha vida, me embriago, mas te quero toda a vida. Ai, ai, a onda, onde estás, gigante minha, que deixas minha canção desesperada, e te chamo e te procuro por toda a parte, mas aonde estás? Dançando, outro te abraçava, outro te beijava, mas era para mim, para quem olhava. Cara de cigana, doce apaixonada, que me deste amor como uma espada. Vou pelos caminhos, pagas teu destino, vives o amor, roubas carinho. Cabelos cobriam teu corpo, tão cheia de amor. Te vi dançando, outro te abraçava, outro te beijava, mas era para mim, para quem olhava. Cara de cigana, doce apaixonada, que me deste amor como uma espada. Avec une musique festive. Et oui, on avait des petites questions pour vous, justement, vous qui nous écoutez aujourd'hui. Comme vous le savez, un événement arrive très prochainement, le bal des années 80-90. Mais un autre grand, grand événement arrive après celui-ci. Oui. Qui est la... Ah ah. Ça ne sera même plus du nom. La Saint-Jean, pardon. C'est ça. La Saint-Jean arrive donc dans pas très longtemps. Donc les dates sont sorties le 20 et 21 juin. C'est ça. Au parc de Lignerolles. C'est ça, un week-end très festif pendant ces deux jours. Où il y a plein de chanteurs du Portugal qui viennent, où il y a comment dire, où il y a beaucoup de stands aussi, beaucoup de partenaires. C'est un moment où en fait c'est très très convivial parce que bah, c'est notre grande fête où on se retrouve tous là-bas. Et en plus de ça, avec avec Mathis, on a l'habitude de faire une petite choré pour que vous dansiez avec nous lorsqu'on monte sur scène. L'année dernière, c'était quoi comme titre déjà ? C'était Caliente Kuduro. Voilà. Et l'année d'avant ? Et l'année d'avant, c'était quoi ? Alors, tu t'es vu ? En fait, c'est que je connais la musique, mais tu me connais les noms de musique. Non, la première année, c'était Caliente Kuduro et la prochaine année ? C'est Damel Kuduro. Damel Kuduro. Voilà. On va les écouter justement pour se remettre un peu dans l'ambiance et danser chez vous si vous vous rappelez la chorégraphie. Et cette année justement, on veut que vous participiez aussi à notre chorégraphie. Oui. Donc on veut que vous nous dites les titres de musique que vous pensez que vous souhaiterez qu'on fasse et on fera un sondage après sur les réseaux sociaux pour savoir laquelle sera choisie. Oui. Donc on vous laisse nous appeler au 02 38 43 48 00 pour nous dire un titre de musique que vous souhaitez faire, que ce soit l'hymne de la Saint-Jean 2026, de la Saint-Populaire. Mais pour l'instant, on continue en musique avec celle de l'année dernière, Dame de Kudolo. Latino, caliente, Cuba, y que viva la vida, es una fiesta loca. Danza Latino, caliente, Cuba, tú lo vas a quedar, es una fiesta loca.

S'ambiancer chez nous, chez vous, pour ce qui arrive dans deux semaines. Et oui, du coup, c'est bien la fête des années 80-90. Ce 25 avril 2026. À 19h. Avec, du coup, à la passerelle à Fleury-les-Aubrais. Où il y aura du coup plusieurs artistes portugais. Certains viennent du Portugal tout droit pour venir faire la fête avec nous. Même à cette soirée-là, il y aura un jeu concours. Dress code des années 80-90. C'est ça. Celui qui aura le meilleur costume gagnera un cadeau. Il y aura donc des votes. Il faudra s'inscrire à l'entrée pour participer à ce jeu concours. Mais avec donc une multitude d'artistes qui sera présent, dont la ronde d'Aminiota qui viendra faire de la danse folklorique pour ouvrir cette belle soirée. Ensuite, on aura qui ? On aura DJ Booba. On aura Nel Montello. Moi, j'ai pas la feuille. Ah, bah voilà. Hein. Bah, il dit ça, mais il lit la feuille depuis tout à l'heure. Pas faire de faute sur leur nom. Non, il sait. Luis Manuel, Bloa de Mel, Fernando Correa, Marquez. Je crois. On le dit pas comme ça, je crois, mais. J'ai pas le truc. Alors, et donc, Pour pouvoir réserver, il vous suffit d'aller sur nos réseaux sociaux, car il y a le lien de la billetterie, ainsi que de venir soit les prendre dans nos points de vente ou ici à la radio pendant la semaine. Donc c'est 15€ en pré-vente, 20€ sur place le soir même. Si vous êtes adhérent, donc c'est 15€ plus une boisson offerte, gratuit pour les enfants de moins de 10 ans. Et une petite restauration rapide avec une petite buvette sur place. C'est ça. Alors, n'attendez plus, réservez dès maintenant. Surtout qu'il y a eu un post aujourd'hui sur Radio Arc-en-Ciel pour pouvoir réserver vos tables. Car oui, donc il y a, comme a dit Philippa, il y a un repas qui est servi sur place. Donc à table, il y aura du poulet grillé, des frites, des moelges. Mmh, je crois que je l'ai dit correctement. Oui, tu l'as bien dit. Bifan, des sandwichs, des hamburgers, des gâteaux, des planches à partager donc au bar. Dès 19h, vous pouvez donc réserver donc en appelant au 02 38 43 50 09 donc pour pouvoir réserver votre table. Donc n'hésitez pas si vous voulez manger avec nous. C'est ça. Et donc n'attendez plus pour réserver votre place et venir nous voir. Car nous, on est déjà prêts, on a déjà nos costumes. Non, mais on est prêts, oui. Bon, on n'est pas sûr de gagner, hein, mais c'est plus le costume ridicule. Mais... Oui, c'est vrai. Bon, allez. Et si on se mettait un peu dans l'ambiance, déjà? Allez, c'est parti. É isso aí, galera. Esse é um novo hit do João Lucas e Marcelo. Tchutchá! Cheguei na balada doidinho pra piritar. A galera tá no clima, todo mundo quer dançar. Uma mina me chamou, disse faz o tchutchá. Perguntei o que é isso, ela disse eu vou te ensinar. É uma dança sensual, em Goiânia já pegou. Em Minas explodiu, o Tocantins já rolou. No Nordeste as minas faz, o verão vai pegar. Então faz o tchutchá, o Brasil inteiro vai cantar. Com João Lucas e Marcelo eu quero tchum, eu quero tchá. Eu quero tchutchá, tchá. Eu quero tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá. Cheguei na balada doidinho pra biritar. A galera tá no clima, todo mundo quer dançar. Uma mina me chamou, disse faz o tchutchá. Perguntei o que é isso, ela disse eu vou te ensinar. É uma dança sensual, em Goiânia já pegou. Em Minas explodiu, o Tocantins já bombou. No Nordeste as mina faz, o verão vai pegar. Então faz o tchutchá, o Brasil inteiro vai cantar. Com João Lucas e Marcelo eu quero tchu, eu quero tchá. Eu quero tchu, tchá, tchá. Eu quero tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá. Eu quero tchú, eu quero tchá. Eu quero tchá, tchá, tchá, tchá, tchá. Eu quero tchú, eu quero tchá. Eu quero tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá. Tua mão, morso aprendiz, mas perto de

Do meu. do teu sabor. Ah, yeah. Vem. Nossa, toda sua e demais ninguém. Oh, oh, oh. Diz que a rosa mais perfumada do seu jardim. Fala pra mim. É tanta linda, linda que me alucina e me deixa assim fora de mim. Me sento no teu calor. Se você me chama, eu vou. Uma estrela vai me guiar para a rota do teu amor. Em Luanda quero te amar. Chega pra cá, minha paixão. E faz bater assim meu coração. Bate vender, tudo, bate vender, tata. Bate vender, tudo, bate vender, tudo, tata. Bate vender, tudo, bate vender, tata. Bate vender, tudo, bate vender, tudo, tata. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Bate com bola e Angola, na, na, na, oh. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. É o som da África. Calibre show. O som, oh. Me sinto no teu calor. Se você me chama, eu vou. Uma estrela vai me guiar para a rota do teu amor. Em Luanda quero te amar. Chega pra cá, minha paixão. E faz bater assim meu coração. Bate de peito, tu, bate de peito. Je t'offre des roses silencieuses sur de la pose ou ta peau. Tu es la cause de mes maux. Tu es un fardo de amor. Tu es saudade, Senhor. Nenhum de nós quer perder. E ninguém quer ficar só. This man, this man, to me. Oh, fuck, I'm in this on me. Je suis comme un apprenti. Je te regarde impatient. Je te veux du lundi au dimanche. Je suis d'humeur comme un enfant. Oh, mais moi, peu importe où on ira. Bali, Bali, Oli, Joa. Je suis bien que je suis avec toi. Oh, mais moi, nous y portons un débat. Mais on a envie de te lever. Quero estar perto de ti, ti, ti, ti. C'est l'Amazon, moi la faute. C'est le carton si je fraude. Que Dieu pardonne mes fautes. Je le suis comme toi l'émeraude. J'ai la terre de parfois à la verre. Des erreurs, oui, j'ai dû en faire. Je suis l'élève ambitieux, d'être mystérieuse. até minha flama, mon César, meu amor, minha paz. Quero comer, vou ter me vida. Dançou mais beijo, estou te lagueou de mão. Já me leva, meu amor. Dans l'air, la même étincelle, s'appelle. C'est parti pour un tour du crépuscule au point du jour. Les maîtres du jeu. Nous on est là encore. On le fume toujours plus fort. Pour mettre le feu. Now sinto falta dela. Namorar com ela e dos beijos com fervor que ela dava por amor. Sinto falta dela. Namorar com ela, nunca mais tive pra mim uma namorada assim. Sinto falta dela. Namorar com ela e dos beijos com fervor que ela dava por amor. Sinto falta dela. Namorar com ela, nunca mais tive pra mim uma namorada assim. Sinto falta dela. Quand on entend cette musique, ça veut dire que c'est la fin. Non, c'est pas encore les vacances. Ah, si, c'est les vacances. Si, c'est les vacances en ce moment. C'est vraiment les vacances, c'est le début des vacances. Bon, pas pour tout le monde, hein, je le précise. Oui, pas pour tout le monde. Philippe est en vacances, donc la chance. L'Inde. Enfin, oui, du coup, cette semaine, je suis en vacances. Bon, ça va, toi aussi, t'as eu des vacances que moi, je n'ai pas eu. Je n'ai pas eu de vacances. Si. J'ai eu 3 jours en février. D'accord, t'es parti en Grèce. C'était l'école, c'était un voyage scolaire. Ouais, mais c'est quand même des vacances, tu travailles pas, non, ok. Non, c'est un voyage scolaire, on travaille. Je ne tolère pas cet argument-là. Oui, oui, c'est ça. Moi, j'aimerais bien être à ta place. Bon, t'avais qu'à changer de spécialité. Oui, c'est vrai. Mince. Bon, on a ce qu'on a choisi. C'est ça. Eh ben, j'espère que vous vous êtes un peu amusé avec nous, que vous avez rigolé, que vous avez dansé aussi, écouté la bonne musique dès le matin. On se dit à très vite. Et on se dit... Ciao, ciao, ciao. parece um mistério. Não há nenhuma fotografia, vídeo ou gravação áudio dele divulgada desde o ataque que aconteceu no dia 28 de fevereiro. Na Hungria, amanhã é dia de eleições. O enviado especial da RTP Antena 1, João Gomes Dias, encontrou em Budapeste uma tradutora de português. Mónica Bence faz a ponte entre as duas línguas dos dois países numa ligação que já leva muitos anos. Tudo começou há mais de duas décadas. A minha relação com Portugal veio desta decisão surpreendente que queria estudar português na faculdade. Da surpresa à certeza de uma relação que nunca mais terminou. Primeiro vieram as aulas, depois a tradução de obras portuguesas. O primeiro romance foi publicado em 2006, que foi